Alors bonjour tout le monde, bienvenue à cette nouvelle émission de Ça roule Radio. Mon nom est Luc Desormeaux et pour m'accompagner encore une fois, mon collègue journaliste automobile Marc Bouchard. Salut Marc. Salut mon cher. Ça va bien? Savais-tu qu'on peut faire l'élevage de la grippe? Non, je savais pas ça. Ben, ça a l'air que oui, parce que moi, depuis le mois de janvier, que ici dans la maison, ma femme, mon fils et moi, on se passe la grippe de l'un à l'autre. Alors cette semaine, c'est moi qui l'ai. Donc si vous entendez de la toux en cours de route, pas de panique, c'est pas contagieux par les ondes. OK. C'est vraiment moi. Écoute, depuis quelques jours, là, je tousse comme un perdu, c'est incroyable. Fait que ce que tu essaies de me dire, c'est que la grippe, c'est un peu comme la chaise musicale, mais pas de chaise puis pas de musique. Puis pas de fun. Pas de fun non plus. Quoique la chaise musicale, ça n'a pas toujours été le fun. Ça Donc. dépend avec qui tu joues. Puis quand on était jeune, on essayait de choisir les filles, puis on essayait de choisir les mêmes chaises que les filles. Ça, Ah, OK. des affaires que t'as pas compris dans la vie, toi. Des trucs de même. Moi, c'est ça. Donc, bienvenue à cette nouvelle émission. Oui, on parle de voitures et non pas de notre jeunesse de grippe et de chaises musicales. Donc, cette semaine, beaucoup, beaucoup de stock sur l'émission. On va commencer, Marc, par Ça roule. Tu veux nous parler là, de ton projet qui s'appelle Ça roule, qui a ben, radio, TV et plein d'autres choses. Donc, je te laisse aller avec ça. Ouais, ben en fait, ça roule. L'idée, c'est que c'est un projet qui me tient beaucoup à cœur parce que moi, j'ai lancé l'idée le printemps dernier. Ce que je voulais faire, c'est réunir autour à peu près d'une seule structure tout ce qu'on peut faire dans le monde automobile ou à peu près. Alors, ce qui va se passer, c'est qu'au cours des prochains jours, des prochaines semaines, on va s'ouvrir un site qui va s'appeler saroule.tv. Là-dessus, vous allez trouver d'une part nos capsules Ça roule, parce que Luc, je compte sur toi pour être capable de les mettre en ligne, bien entendu, et parce que mes capacités technologiques sont un peu limitées. Oui, un D'autre peu. T'es gentil part, avec toi-même. merci, c'est vraiment trop de bonté. Je suis grippé, mais pas imbécile, attention. Et d'autre part, il y aura aussi une émission de télévision. Et ça, c'est intéressant parce que c'est fait en collaboration avec le réseau Cogeco. Malheureusement, l'émission n'est pas disponible à la grandeur du Québec parce qu'évidemment, il y a des régions qui ne sont pas desservies par Cogeco Câble Distribution. On essaye d'y travailler. Et c'est une petite émission qui dure 30 minutes, à l'intérieur duquel on fait un essai de voiture, mais un essai qui est un peu hors de l'ordinaire. Je le fais avec une co-animatrice qui s'appelle Émilie Bolduc, qui est une jeune femme originaire du lac Saint-Jean, avec tout ce que ça implique comme couleur dans la façon de parler et de réagir. Et on fait des essais et on se lance à nous-mêmes des tests, des défis. Alors, dans la première émission, je ne vous gâcherai pas le punch au complet parce que je ne vous donnerai pas les résultats, mais je peux juste vous dire qu'on a fait avec une BMW M6 quelque chose de fou, c'est qu'on a repassé notre permis de conduire. Littéralement. Oui. Donc, on se promenait dans les rues avec une pancarte marquée examen de conduite sur le toit d'une M6. C'est quand même pas très discret. On a fait ça, on a fait toujours le même défi, plusieurs défis comme ça, et c'est dans le cadre de l'émission que tout ça sera présenté. C'est évidemment pour les gens qui ont Cogeco, surveillez dans votre horaire, ça va arriver bientôt. Je sais que dans la région de Trois-Rivières, ça commence cette semaine. Dans la région de Saint-Hyacinthe, ça commence au début avril. Et un peu plus tard, le 11 avril, dans les autres régions qui sont desservies par Cogeco, il y aura 8 émissions dans la première saison. Il y aura une deuxième saison à compter du mois de septembre. C'est un produit dont je suis très fier. Et sur le site saroule.tv, on ne pourra pas mettre toute l'émission parce que ça va contre les directives de Cogeco, mais on va pouvoir en mettre des portions. Et entre autres, là, il y a des affaires particulièrement intéressantes. On a essayé des voitures absolument magnifiques. La BMW 8, la Dodge Charger Hellcat. Bon, j'ai parlé de la M6, bien sûr. Donc, on a une Mini John Cooper Works. On a différents véhicules. On a un Jeep Wrangler aussi. Bref, vraiment des trucs particuliers. C'est donc quelque chose qui va avoir une personnalité différente. Ça va être un endroit où les gens vont pouvoir voir ce qu'on fait et pouvoir communiquer avec nous. Et bien sûr, là, comme je l'ai dit, ça va aussi intégrer notre Ça roule radio. Alors, qui sait, peut-être qu'un jour, Ça roule radio se retrouvera à la TV. En tout cas, toi, peut-être, tu vas te retrouver à la TV à nos côtés. On verra. Ou pauvres, pauvres gens et pauvres télévisions des gens. Mais en tout cas, pour le moment, disons que c'est le projet qu'on a en tête. On aurait voulu avoir Émilie avec nous, mais c'est un peu difficile pour elle dans les horaires. Donc, c'est quelque chose de très, je vous l'ai dit, c'est très éclaté. C'est pas pour les maniaques de voitures qui connaissent la grosseur de vis nécessaire pour le support de moteur, là. On veut vraiment faire quelque chose qui est beaucoup plus large que ça. Émilie est la représentante parfaite de la madame qui connaît rien et qui est en même temps un peu peureuse aussi. D'ailleurs, vous pouvez vous en donner un aperçu dès à présent parce qu'on a fait des capsules l'année passée qui sont disponibles sur la page Facebook de Ça roule TV, je pense. Ouais. et qui seront remises, bien entendu, sur le site saroule.tv au cours des prochains jours. Donc, vraiment quelque chose qui, pour moi, est important et qui s'inscrit dans ce que toi et moi, on fait, Luc, avec Saroule Radio. L'idée, c'est qu'on veut rendre accessible et le plus amusant possible l'information sur l'automobile. Et je pense que ça, c'est un bon moyen de le faire. Oui, puis pour avoir vu les capsules, des choses comme ça, c'est quelque chose de divertissant. C'est pas quelque chose qui se prend hyper au sérieux. Faut pas être hyper connaisseur pour apprécier l'émission. Un peu comme on essaie de faire à la radio, on essaie de rendre ça juste, tu sais, comme les Anglais diraient casual. C'est vraiment quelque chose de simple à comprendre. On va pas trop dans les explications profondes et de choses que dans le commun des mortels se fout carrément, là. Donc, je trouve ça intéressant. Je te souhaite bonne chance dans ce projet-là. Et J'ai tu hâte peux de le dire, voir ce que Luc, ça que a l'air. toi, tu as vu en primeur parce que je t'ai envoyé des liens. Ouais, je savais T'as pas si vu. j'avais le droit, mais oui, j'ai vu les 4 premières émissions. Puis moi j'ai trouvé ça. Ben, les gens vont dire, tu dis juste ça parce que Marc est là, puis parce que tu travailles avec Marc, mais j'ai trouvé ça vraiment intéressant. J'ai trouvé que c'était une émission. C'est pas long, ça dure une demi-heure. C'est vraiment toujours intéressant. Il n'y a pas de temps mort. C'est drôle. Il y a de l'humour. C'est, tu sais, on Ben, explique les choses comme il faut. il faut admettre qu'Émilie aussi est assez un personnage, Oui, là. oui. Et entre toi et moi, écoute, elle est comme ça dans la vraie vie, là. Alors, si jamais vous avez l'occasion d'aller voir les capsules et vous pensez qu'elle en met beaucoup, rassurez-vous, ce n'est pas une actrice. Elle est vraiment comme ça dans la vraie vie. Alors, je peux vous dire que sur une piste, dans un Charger L4, elle n'est pas tout à fait à l'aise comme passagère quand c'est moi qui conduis. Ouais, pas tellement grosse dans ses culottes, comme on pourrait dire. Mais oui, mais ça paraît que c'est pas qu'elle fait pas semblant, parce que sinon elle serait vraiment une bonne actrice, puis elle perdrait son temps à faire sa job de jour, là, parce que ça paraît qu'elle, dans le Charger, elle a peur, là, puis ça paraît qu'elle a peur, là. Puis dans le Wrangler, elle est insécure, puis ça paraît qu'elle est insécure, tu sais. Mais allez voir, ben, ceux qui peuvent le voir, vous allez voir ça. J'espère qu'un jour ça va être plus disponible à tout le monde, parce que c'est vraiment quelque chose qui est intéressant. Donc, on Mais ce qui est peut. sûr, c'est qu'on va en mettre des portions sur le web là, pour que tout le monde puisse les voir et Ouais. on va pouvoir recevoir les commentaires. D'ailleurs, si vous avez aussi des questions là-dessus, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter via Facebook ou via tous les moyens qu'on va vous donner en fin d'émission parce que, comme d'habitude, Luc, je me souviens jamais de l'adresse courriel. C'est beau, je vais donner ça à la fin de l'émission. Donc, Super. c'est beau pour Saroule TV et le projet en tant que tel. Tu as essayé la Spark à Montréal dernièrement, la nouvelle Spark 2017, j'imagine qu'ils l'appellent. Non, en fait, c'est la 2016. OK, bon, j'aurais pensé, mais. Ben, moi aussi, je pensais que c'était la 2017, mais à vérification, en fait, c'est bien la 2016. C'est celle qu'on a présentée au Salon de l'Auto à Montréal en janvier dernier. Donc, une Spark qui a été remaniée, remodelée, redessinée, qui a l'air un peu plus viril dans son look, là. En fait, ce qu'on veut faire, c'est vraiment aller en contrepartie de la Nissan Micra. C'est-à-dire que la Nissan Micra, c'est une voiture qui est toute en rondeur, qui est toute un peu féminine. Mais avec la Spark, on a voulu aller chercher quelque chose d'un peu plus masculin. Donc, on joue un peu comme on l'a fait sur presque tous les nouveaux modèles GM, en fait, là, Ouais. des lignes un peu plus carrées, des blocs optiques qui se prolongent un peu dans le côté, une grille qui est un peu plus petite qu'auparavant. Bref. On camarise un petit peu les produits. Fait que Exactement. on prend la Camaro, puis on envoie ça dans tous les modèles. C'est ça. C'est sûr que si vous allez sur ecoloauto.com où j'ai publié mon essai, vous allez voir les photos, vous allez voir le look. Vous allez me dire que masculin, c'est peut-être pas la couleur, par contre, qui allait avec, parce que moi, j'en avais une qui était bleu poudre. Oui, ça te faisait bien. Merci. Et bon, excuse-moi, tu vois, c'est le choc. Mais donc, c'est une voiture qui est vraiment mieux réussie. À l'intérieur aussi, on a vraiment bien réussi l'habitacle. On a réaménagé tout ça. On a fait un beau travail à ce point de vue-là. Vraiment, vraiment. Beau travail aussi au niveau de la motorisation. Ça, il n'y a vraiment rien à dire. Ça va bien, c'est un petit moteur, pas très gros, 1,4 litres, 98 chevaux, 94 livres-pieds de couple. Évidemment, c'est jumelé au choix à une boîte manuelle, mais j'ai manqué de temps pour l'essayer. Moi, je l'ai conduite avec la boîte CVT, qui fait la job, là, qui n'est pas exceptionnelle ni dans un sens ni dans l'autre. Ouais. Elle va bien. Écoute, évidemment, le rayon de braquage est excellent, là. Je me suis perdu un peu dans une zone industrielle à Montréal. J'ai fait quelques demi-tours. Mettons, dont la légalité est un peu discutable. Et vraiment, là-dessus, ça s'est super bien comporté. Mais, tu sais, comportement pour comportement, elle est à peu près l'équivalent de la Nissan Micra, je te dirais, Okay. peut-être avec des suspensions un peu plus rigides. Cependant, on essaye vraiment de se battre sur un autre niveau. C'est-à-dire que quand on a pris présenté la Spark à Montréal, on a dit voici en 1995 la voiture la moins chère du marché canadien. Oui, pour 3 $. Mais Nissan est arrivé avec un prix en 1988, donc 7 piastres moins cher que la Spark. Ouais, OK. On appelle ça se faire voler le show. Ouais. Ceci étant dit, ils ont donc décidé de se battre sur un autre niveau et c'est d'y aller avec la technologie. On parle donc de l'appareil mobile de l'année. Ils ont d'ailleurs fait une campagne avec Best Buy où ils avaient mis dans une espèce de grosse boîte, comme une boîte de cellulaire, si tu veux, là. Mais ils avaient caché la voiture dedans. Et quand tu vas acheter la voiture, on te donne tes clés dans une boîte qui ressemble à celle d'un téléphone intelligent. Pour faire ça, ben, ils ont mis là, le système OnStar avec les appels, la navigation virage par virage que tu peux faire télécharger, l'accès à un point Wi-Fi et tout. Ça, c'est bien, c'est super le fun. Le seul problème, c'est que c'est gratuit pendant 3 mois. Ouais, après ça, faut que tu payes ton abonnement. Ouais, et là, on parle d'un minimum de 20$ par mois. OK. Fait que là, la différence de 7$, ça commence à être de pas mal plus que 7$. Ouais. C'est énorme. Alors ça, c'est un élément. L'autre élément, c'est qu'on parle d'une voiture en 1995. Tu t'en doutes, c'est la version de base. Ouais, sûrement. Si tu ajoutes des accessoires, mais tu as juste deux autres options. La 1LT ou la 2LT. Évidemment, c'est pas, t'as des toits ouvrants, des trucs comme ça qui s'ajoutent, régulateur de vitesse, télédéverrouillage, des trucs comme ça. Donc, ça ajoute au prix, et là, on monte vite, là, on monte à au-dessus de 15 000 $ rapidement, et à 18 195, ben là, t'as toit ouvrant, siège avant chauffant, sellerie en simili-cuir, démarrage à bouton poussoir, aide au stationnement, avertissement de précollision frontale, avertissement de changement de voie. Mais c'est quand t'es rendu à 18 195 plus 1 500 pour transport préparation, t'es rendu avec une voiture de 19 700 $. Ouais, à part les taxes. Là, pour une Spark. Alors, ouais. On n'est plus vraiment dans cet élément-là. Par contre, il faut dire que c'est une voiture qui est bien réussie. Je suis assez content de l'avoir conduite comme ça. C'est bien fait. Elle est tout à fait comparable aux autres. Je pense qu'elle est celle qu'on ne regardait pas avant, la Spark, devient aujourd'hui dans mon top 3 de ce créneau-là. Et je pense que ça, c'est une bonne nouvelle. Est-ce que la Micra règne toujours en haut du top 3 ou? Ben, en fait, objectivement, moi, celle que j'aime chez Micra, c'est la version de base manuelle, ce que j'ai pas essayé chez Spark. Alors, c'est difficile de vraiment comparer parce que la petite Micra se comporte comme un go-kart. Mais la Micra a le même problème que la Spark, c'est-à-dire qu'aussitôt que tu y mets une boîte automatique puis que tu mets l'air climatisé, tu viens de tomber avec une voiture à 15 000 $. Ouais, c'est ça. Fait qu'on est, on est un dans l'autre. Objectivement, les deux sont assez proches l'une de l'autre. Ce qui va faire la différence, ça va vraiment être les options de financement. Tu savais que c'est pas possible de financer la version de base? Ah, faut non. Que tu arrives avec ton propre prêt personnel parce que les autres, ils font ni financement ni location sur la version de base ah. Avec la Spark. Alors ça peut jouer contre eux parce que Nissan a joué très fort sur les programmes de financement accessibles même au deuxième ou troisième crédit. Alors je pense que ça peut jouer contre Spark. Mais pour le reste, c'est vraiment une voiture qui vaut le détour. Super. Voilà, c'est notre premier bloc. On vous revient après la pause. Et après la pause, il va être question de nos essais de la semaine. Moi, je suis allé essayer le Chrysler Pacifica et Luc, lui, se promène en Subaru. Alors, nous sommes de retour. Marc, c'est l'heure de parler de nos essais routiers. Toi, tu as été mon chanceux en Californie pour aller essayer le nouveau Chrysler Pacifica. C'est ce qui va remplacer le Town & Country ou plus connu, le Caravan de chez Chrysler. Non, je t'arrête tout de suite. On ne remplace pas la Caravan. Okay. Et ça m'a surpris. Parce que moi, quand on a lancé le Pacifica, justement, j'étais sous l'impression que c'était la mini-fourgonnette qui deviendrait le standard pour toutes les catégories. Okay. Mais non, on garde la grande caravane et elle ne remplace que le Town & Country. OK, c'est bon. Ce que ça veut dire, en fait, c'est que les versions de base sont encore la Dodge Grand Caravan et que dans les versions haut de gamme, maintenant, on conduira la Chrysler Pacifica. Excuse-moi, je t'ai interrompu, mais il fallait que je le dise tout de suite. C'est bon, il n'y a pas de problème. Donc, mais tu as été faire l'essai, donc ça se comporte comment? C'est bien, c'est pas bien? Qu'est-ce qu'on peut s'attendre de ça? Écoute, objectivement, c'est pas un pas en avant, c'est un bond en avant que okay. Chrysler a fait avec cette voiture-là. C'est bon. Bon, on va régler tout de suite les côtés négatifs. C'est cher. C'est très cher. Prix de base, 42 000 $. Ah oui. Ouais. Autre côté négatif, pour un véhicule familial, il n'y a pas beaucoup d'espace de rangement dans la partie avant du véhicule. Tu sais, le coffret, là, il n'y a pas de coffre de rangement, il est tout petit, il y a une espèce d'espace au centre, mais bon, c'est pas bien aménagé de ce point de vue-là. Ça, c'est un des défauts. Okay. Pour le reste, On est bien loin de la caravane ou de la mini-fourgonnette traditionnelle. On est loin de l'auto-beaucoup avec les panneaux de bois chez chaque côté, là, Oui, t'sais. que j'ai vu à Toronto parce qu'il y en avait une en démonstration, puis ça rappelle des souvenirs, mettons. Effectivement, mais écoute, on est très loin de ça. Du point de vue du style, d'abord, on a vraiment fait un beau travail. On arrive avec un véhicule écoute, il est très long, là. Il est aussi long qu'il l'était, sinon plus. Il y a un empattement qui fait 2,3 mètres de mémoire, c'est très long. Mais on est loin de cette espèce d'espace très massif, occupé, très carré, fait par la grande caravane. Là, on arrive avec quelque chose de beaucoup plus profilé. La grille avant, les phares avant, les blocs optiques arrière, c'est extrêmement raffiné. On est loin là, de ces affaires-là. Ouais, Il y a aussi. l'avant fait un petit peu Chrysler 200. Oui, exactement. Ben, en fait, c'est la même base de design. On ne se cachera pas, là. OK. C'est la même grille et tout. On a voulu se marier, si tu veux, sur le logo Chrysler pour aller coller ça. Si on remarque, il y a aussi toute une attention à porter aux détails. Tu sais, une zone de chrome dans certains moments. Quand on regarde la voiture de côté, elle a quand même les portières latérales coulissantes. C'est ça qui fait qu'une mini-fourgonnette est une mini-fourgonnette. Mais on ne voit pas de rail. Le rail est intégré dans le bas de la fenêtre arrière de façon totalement discrète. C'est vraiment superbement bien exécuté. Ça, c'est bien fait. Okay. À l'intérieur, l'habitacle aussi est très beau, très bien réussi. Écoute, tu sais, le town and country, c'est déjà mignon en dedans, là. Mais là, on l'a vraiment amélioré. On a raffiné des choses. On arrive avec des nouveaux matériaux, mieux faits et tout. On a mis, par exemple, au centre, un écran multifonction, comme c'est de plus en plus le cas, qui travaille comme un écran tactile. Sauf qu'on a réussi à le mettre totalement plat. Tu sais, t'as plus les rebords où la poussière se pogne et tout. C'est vraiment un écran totalement plat qui se manipule comme n'importe quelle tablette électronique. Et c'est très, très bien fait. Les sièges sont confortables, relativement faciles à régler, même si honnêtement, je n'ai pas été si impressionné que ça par le confort du siège. C'était correct, mais sans plus. Les cadrans sont magnifiques, rétroéclairés en bleu dans celle que j'avais. C'est vraiment très beau. Le volant, ben c'est le volant typiquement Chrysler, là, avec les commandes redondantes et tout ce que tu peux trouver sur le volant. Donc, ça, là-dessus, on n'est pas très loin du design traditionnel Chrysler. OK, le système, j'imagine, c'est encore le Uconnect. Oui, c'est le Uconnect, mais le Uconnect de nouvelle génération, et c'est là que je voulais en venir. Ce qui distingue vraiment le Pacifica, d'abord, il y a deux choses. Le plaisir de conduite, et oui, j'utilise volontairement le mot plaisir de conduite, même si c'est une mini-fourgonnette. Ouais. Pourquoi? Parce que, bon, d'une part, on a un bon moteur, c'est le moteur 3.6 V6 Pentastar que Chrysler utilise à toutes les sauces et qui fait vraiment bien le travail. On l'a marié à la fameuse transmission de 9 vitesses qui fait une belle job là-dedans, à ma grande surprise, OK. parce que ça n'a pas toujours été le cas dans les autres applications. Mais Alors non. là-dedans, il fait un bon travail. Ça, de ce point de vue-là, il n'y a pas de problème. La beauté, c'est qu'on part d'une toute nouvelle plateforme. Donc, on a un châssis qui est beaucoup plus rigide. On a installé aussi dans le Pacifica le Stow & Go. Stow & Go, là, tu le sais, c'est quand on est capable de rabaisser les sièges à l'intérieur du plancher. Mais Pour faire ça, on a créé des espèces de bacs où les sièges sont repliés. Or, ces bacs-là sont maintenant dans matériaux et composés de façon à servir de base à la plateforme. Donc, ça permet de la rendre encore plus rigide. Donc, fini la torsion épouvantable parce que tu avais un gros empattement, ça avait tendance à tordre tous les bords, tous les côtés. Avec ça ne le fait pas. On a aussi modifié les suspensions. Je vais employer le mot latin, là, les Ouais, bushings, c'est ça. les fameux supports de suspension. Normalement, tu en as juste un bushing qui, faut toujours faire le compromis entre le confort ou la rigidité. Eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont réussi à démultiplier les deux bushings. Donc, tu as deux bushings par suspension maintenant. Un est rigide et l'autre est plus confortable. Donc, le mariage des deux est vraiment bien réussi. Je peux te dire que sur les routes de la Californie, où c'était relativement sinueux, je me suis permis une petite conduite dynamique et ça s'est bien comporté. C'est d'abord une auto de 4000 livres, là. Ben On ne se ouais. cachera pas, c'est pas une Porsche, mais ça fait quand même un très bon travail. Quand même pas pire que ce soit amusant à conduire pour une caravane, mettons. Effectivement. Intéressant, Stow & Go, donc on est capable, quand on les a baissés, tu es capable de rentrer 64 planches 4 par 8 de plywood. Ouais, OK. Ah, quand même, c'est pas si pire. Et on parlait de technologie du Uconnect. Pourquoi je t'en parle? Parce qu'il y a plein d'applications qu'on a gérées à l'intérieur du Uconnect maintenant. Donc, c'est une nouvelle génération. La beauté, c'est qu'on peut avoir à l'arrière le Uconnect Theater, c'est-à-dire deux écrans de 8,4 pouces pour les passagers qui sont multifonctions. Donc, évidemment, ils peuvent afficher le GPS. Tu peux brancher une console parce qu'il y a des prises HDMI. Tu as toutes les formes de prises, en fait, possibles ou imaginables. Tu peux regarder un film parce qu'il y a un lecteur DVD. Chaque écran peut être contrôlé indépendamment. Mais à l'intérieur, on a aussi installé des applications pour les enfants. Alors, il y a des jeux, par exemple, qui sont préinstallés. Un jeu de bingo où, au lieu d'avoir des chiffres et des lettres, c'est des objets que tu trouves sur la route puis qui te permettent de faire un bingo. Tu as plein de jeux comme ça. Et tu as une application qui s'appelle Are We There Yet, On disponible en arrive anglais. dessus. Et elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle présente une petite voiture en disant, mais il reste tant de milles, donc on va arriver à telle heure, c'est dans tant de minutes. OK. Alors, pour les enfants, ça donne une indication. Ça, c'est la partie enfant. Pour la partie parent, ben, la technologie, elle est surtout sécuritaire. Donc, évidemment, avertissement de changement de voie. Puis, comme c'est maintenant une direction électrique, la voiture va se ranger d'elle-même pour te ramener si tu n'as pas signalé ton intention. Bref, on a vraiment fait un saut majeur en termes de qualité, en termes de plaisir de conduite. Ça demeure une mini fourgonnette, mais écoute, pour avoir tout ça, 52 000 $ la version la plus équipée, et tu n'as évidemment pas toutes les options. Tu comprendras qu'on n'est pas dans la voiture abordable. C'est un bon mouvement, je dirais, vers l'avant, mais il va falloir qu'elle soit plus accessible que ça pour être accessible pour tout le monde. Ça, j'imagine 52 000, c'est pas la version hybride, là. Non, la version hybride, d'ailleurs, elle n'est pas arrivée encore. Elle n'arrivera pas avant quelques mois. On n'a pas eu l'occasion de l'essayer encore. OK. Alors, on va voir ce que ça va donner plus tard. Mais celle-là, la Pacifica, devrait arriver d'ici 3 semaines à peu près chez les concessionnaires. Ah, c'est bon. Et toi, tu as essayé le Subaru Crosstrek. Oui, Subaru Crosstrek qui a perdu son nom XV. Ça s'appelle maintenant juste le Crosstrek. Avant, Subaru l'appelait le XV Crosstrek. J'ai eu la version sport avec technologie. Donc, c'est pas la version la plus élevée. La version plus élevée, c'est la Limited. Mais j'avais l'ensemble technologie qui nous donne le système EyeSight de Subaru, qui est finalement le système de contrôle de vitesse adaptatif, là, donc le régulateur de vitesse adaptatif, des choses comme ça. Système qui fonctionne très bien. Ça a été donc le premier système là, que j'ai eu accès dans un Forester il y a quelques années. Le Crosstrek, je dois avouer, là, moi, c'est un véhicule qui m'a toujours intéressé. C'est un véhicule, quand il est sorti, je le trouvais joli. Je trouvais que c'était intéressant d'avoir, bon, c'est une Impreza à talons hauts, comme on peut dire. C'est une Impreza un peu surélevée, avec vraiment comme un familial, là, un bon station wagon. À l'intérieur, bon, c'est quand même bien. Subaru a amélioré un peu ses intérieurs. C'est pas encore le Nirvana, là, mais c'est quand même très bien. Conduite, j'ai trouvé ça agréable. Juste que le mariage du moteur Boxster 2 litres est peut-être un peu juste avec la CVT. Faut apprendre à travailler les palettes de changement de vitesse au volant pour avoir des accélérations un peu plus franches, là. Donc, si ça vous intéresse de dépasser sur l'autoroute ou même d'embarquer sur l'autoroute puis d'écraser un peu le champignon, là. Ça manque un peu de souffle. Faut vraiment jouer avec la palette de changement de vitesse pour descendre d'une vitesse, pour même si c'est des vitesses simulées, là, pour avoir un air d'aller, pour être capable d'embarquer sur l'autoroute, surtout quand il y a un gros camion qui décide que lui change pas de voie et toi, ben c'est soit que tu fous les freins à fond ou que tu accélères rapidement. Faut apprendre à jouer un peu avec ça. Moteur, comme j'ai dit, c'est un moteur 4 cylindres 2 litres à plat, donc les moteurs Boxster de Subaru. C'est un moteur qui développe 148 chevaux et 145 livres-pieds de couple. Il est disponible avec une transmission manuelle à 5 vitesses ou une CVT. Ce que je trouve bizarre un peu, ben pas bizarre, mais ça va pas être la nouvelle norme, c'est quand on regarde la liste de prix, la transmission manuelle est plus chère que la CVT. Ça va être peut-être une nouvelle tendance que tout le monde veut des voitures automatiques. Donc, la voiture transmission manuelle va devenir un peu plus dispendieuse. Pour le reste, c'est une traction intégrale. Donc, vous n'avez pas besoin de vous casser la tête si vous allez chez Subaru, à part si vous achetez une BRZ. Vous allez avoir une voiture qui est traction intégrale en partant. Donc, vous allez être quatre roues motrices et c'est quatre roues motrices constantes. J'ai pas eu à l'essayer dans la neige. La neige est arrivée cette semaine, puis le Crosstrek, je l'avais la semaine passée. Donc, ça a pas fonctionné. Alors que c'est le même rouage intégral qu'on retrouve sur toutes. Ouais, c'est ça, mais j'ai jamais eu une Subaru l'hiver. J'ai toujours eu mes Subaru quand il n'y avait plus de neige ou en été. Cette semaine, j'espérais que la neige soit la semaine passée, puis il n'y en a pas eu. C'est cette semaine. Puis cette semaine, j'ai un Hyundai Tucson. Donc, ça sera pour l'année prochaine pour le Subaru dans la neige. Mais c'est confortable. C'est une voiture qui m'a pas déçu. À l'intérieur, on a des piqûres orange. Les piqûres oranges, donc les coutures oranges à l'intérieur sur le volant, sur le pommeau du levier de vitesse, puis sur les sièges, c'est pour rendre hommage à la couleur originale du Crosstrek, qui était l'espèce d'orange qu'on voyait dans les publicités. Orange qui a été annulé, cette couleur-là n'est plus disponible. Cette année, on revient avec une couleur aussi pétante qui est le Hyper Blue. Et je dois avouer que c'est un bleu très, très pétant. Les gens vont peut-être reconnaître, là, si je parle de la Mustang qu'on appelait Grabber Bleu, qui est un bleu bonbon, là. C'est vraiment ça. Ce que j'ai dit à ma femme, j'ai dit, je m'en viens, puis je vais stationner un Popsicle dans ton entrée cette semaine parce que c'était vraiment bleu Popsicle. Mais c'est une voiture que j'ai bien, bien appréciée. C'est une voiture que j'hésiterais pas à remplacer mon Ford Escape pour ça, parce que c'est un peu moins gros, mais quand même confortable, 4 roues motrices. La technologie, le système de divertissement de Subaru, c'est un peu mi figue, mi raisin, là. J'ai comme l'impression qu'on a acheté un radio chez Best Buy ou d'une place comme ça, puis on a mis ça dans le dash. C'est plus ou moins intégré, mais ça fait le travail, là, Bluetooth et tout ça. J'ai réussi à écouter mes podcasts à travers le système téléphone et tout ça. Donc, ça va quand même très bien. Les prix, là, on parle d'un prix de base de 25 000 $, le 24 995, puis ça va jusqu'au modèle Crosstrek Limited avec la technologie qui est 31 995, puis on a la version hybride qui est 30 495. Mais si vous cherchez une hybride, je vous dirais d'aller voir vers d'autres choses, parce que le système hybride de Subaru, pour l'instant, et pas tellement au point, là. C'est en bas de 30 km/h. C'est pas vraiment quelque chose qui travaille sur l'autoroute, donc c'est Bon, pas puis j'ai pas encore essayé la super. nouvelle, pas essayé la nouvelle génération, mais je peux dire que l'ancienne, il n'y avait pas une grosse différence. OK, c'est bon. C'est bon. Écoute, on fait une pause et on revient après la pause avec notre ami Martin Archambault qui va venir nous parler de véhicules électriques et de l'actualité dans ce monde-là. Alors, nous sommes de retour de la pause. C'est maintenant l'heure de notre bloc véhicule électrique et j'accueille Martin Archambault de l'Avec. Salut Martin. Salut les boys, ça va? Ça va très bien, toi? Ah ben il faut. Il faut. Martin, encore plein de choses dans l'univers de l'automobile électrique. On va commencer en parlant du lancement de la très attendue Tesla 3, Oui, qui monsieur. s'en vient dans quelques jours. À quelques dodos, Oui. on compte les dodos, on est rendu là. En fait, c'est précisément le 31 mars à 23 h 30, heure avancée de l'Est, qu'aura lieu l'événement pour la divulgation. En fait, Tesla nous a déjà donné un peu d'informations, mais officiellement, personne ne l'a vu et personne n'a les caractéristiques finales de ce véhicule-là. C'est un gros show qui a lieu à Los Angeles. Il va y avoir 800 personnes sur place. Puis dans les 800 personnes, il y a 650 clients de Tesla qui ont été tirés au hasard, qui ont obtenu des billets pour être sur place. Un show qui va durer 3 heures puis qui va être diffusé via flux vidéo, là. OK, fait qu'on va pouvoir le voir en direct, puis le Ouais. lendemain, probablement sur YouTube, des choses comme ça. Exact. Puis il y a bien des trucs, là, je vais vous en parler, qui s'organisent pour le visionner là, en direct. Les concessionnaires ont des accès pour pouvoir ben, en fait, les concessionnaires, je ne sais pas si on doit appeler ça comme ça chez Tesla, Les les vendeurs, magasins? les magasins, les points de vente. Ouais, c'est un peu comme un Apple Store, c'est un Tesla Store, un magasin. Exact, exact. Donc, il y a plein de choses. Si vous voulez de l'information, évidemment, sur le site de l'AVEC, là, il y a beaucoup d'infos là-dessus. Ce qu'on sait déjà du véhicule, c'est ce qui a été annoncé de façon plus ou moins officielle, entre autres que l'autonomie minimum dans les pires conditions, c'est 300 km, ce qui est déjà dans les balises, je dirais, là, des véhicules de nouvelle génération là, pour fin 2016-2017. On parle d'un véhicule qui devrait coûter aux alentours de 45 500 Canadiens avant les incitatifs. Là, évidemment, on ajuste les chiffres. Nous autres, là, ils sont assez stables. Le prix n'a pas bougé beaucoup en US, mais étant donné que le taux de change bouge tout le temps, nous autres, quand on le donne en Canadien, notre chiffre n'est jamais le même, là. On essaye de s'adapter un peu au taux de change du jour, mais ça roulerait dans ces eaux-là. Donc, c'est à ce moment-là, au lancement le 31 mars, que va être montré le véhicule pour la première fois et tous les détails pour la réservation vont être donnés. Je vous rappelle que ceux qui sont intéressés de s'en réserver une, ça va leur coûter 1 000 $ d'acompte qui va être mis sur le véhicule. Évidemment, c'est remboursable là, à l'achat. Et les premières livraisons sont dues dans le meilleur des scénarios fin 2017, début 2018. C'est quand même assez loin, mais on s'entend que les gens qui ont une Tesla S sont très satisfaits. J'ai l'impression que ça va être similaire pour la 3, mais c'est ça. Au moins, le dépôt est remboursable. Donc, ça veut dire, si jamais je décide en chemin de plus l'acheter, j'ai le droit. C'est le principe, c'est okay. ce qui est annoncé. S'il faut faire un commitment, hein, dans le fond, mettre 1 000 $ sur une voiture pour laquelle on ne verra pas la couleur ni le bout du nez avant, mon Dieu, presque un an et demi, presque 2 ans, en fait. Oh, ouais, 17, ouais. Hein? Ouais. Donc, c'est je me rappelle, puis je le dis quand même là, avec réserve, parce qu'on n'est pas tout, du tout dans la même situation, mais ma première Nissan Leaf que j'ai achetée en 2011, là, fin 2010, début 2011, j'avais dû donner un acompte de 2 000 $ à Nissan Canada qui la commandait du Japon. Elle devait arriver quand même assez vite. Arriva le tsunami. Ouais. Et mon 2 000 $ a poireauté pendant un grand bout de temps jusqu'à temps qu'on me confirme que la livraison était pour enfin pouvoir s'affaire. Donc, le véhicule était arrivé à la fin de 2011, là, en décembre 2011, pour être précis. Mais c'était exactement le même principe. Tu commandais le véhicule puis tu donnais un acompte avant même de l'avoir vu. Et n'ayant pas, dans mon cas, un historique positif en arrière pour m'inciter à mettre de l'argent dans le cas de Tesla, je pense que les gens qui vont faire le move se sentent en confiance face à la marque et à la qualité du véhicule qui va leur être livré. Dans le cas de la Leaf, c'était une des premières. Hein. Il y avait aucune. Il fallait faire c'était un plongeon, les yeux fermés, comme on dit. Oui, c'est clair, c'est clair. Mais bon, alors pour revenir à notre Tesla, les gens qui sont intéressés, qui voudraient participer, là, je sais que le magasin de Montréal organise un événement. Sur le site de l'AVEC, vous avez toute l'information pour vous inscrire et participer à cet événement-là. Si vous n'êtes pas un couche-tôt, bien entendu, si tu veux participer, t'es le bienvenu. Il faut aller sur le site et puis s'inscrire, mais ça va se. Ça va être un événement de nuit, comme on dit. Ouais, c'est ça. Ça va commencer tard, puis ça va finir encore plus tard. Yes. Ouais. Dans un autre ordre d'idées, dans la lancée de, je dirais, l'expansion du réseau de bornes de recharge rapide du circuit électrique, on a eu cette semaine, en toute primeur sur notre site, l'annonce de 11 nouvelles bornes de recharge rapide qui vont être installées en Gaspésie. C'est un projet particulier, en fait, là, qui est en marge du plan d'expansion. Évidemment, il y avait des bornes de prévues un peu partout au Québec par le circuit électrique, mais c'est comme un projet en marche qui a été dirigé et poussé par Danny Bergeron, un entrepreneur de la région qui est déjà connu là, des électromobilistes parce que, bon, il a installé déjà il y a un bout de temps une borne sur son commerce, une pharmacie dans son coin, puis incitait les gens qui passent en Gaspésie à venir se charger là. On sait que la Gaspésie, c'est loin et puis il pleuvait pas des bornes par là-bas. Le nouveau plan de déploiement de ces 11 bornes-là va faire en sorte qu'il va y avoir une borne de recharge rapide dans le maximum des cas aux 100 km. Donc, ça va assurer là, quelqu'un qui voudrait aller faire le tour pendant l'été, faire le tour de la Gaspésie, ben, de pouvoir le faire en véhicule électrique et de s'en tenir à des charges rapides et puis de pouvoir se déplacer là, dans ce coin-là de pays. Donc, c'est assez intéressant comme projet. Ça a été amené, ça a été monté, dans le fond, par Danny Bergeron qui, avec les autorités de sa région, ont construit un projet et puis en s'associant avec le circuit électrique, là, vont être capables d'amener les sous qu'il faut puis de mener à bien ce projet-là qui est, il faut le dire, dans le cas de la Gaspésie, qui est porteur au niveau du tourisme puis tout ça. Là. Moi, ça va aider un peu, mais c'est beau rendu en Gaspésie, mais se rendre en Gaspésie, ça a l'air de quoi en véhicule électrique présentement? Ben, écoute, ça se rend, hein? Il y a pas... Il y en a plusieurs qui l'ont fait, c'était plutôt là-bas que c'était le problème. Là, si on regarde sur une carte, si tu veux, du Québec, là, l'organisation des bornes de recharge rapide dans ce coin-là, mm-hmm. c'est on se rappelle que ce qui avait été ciblé au début, c'était les grands axes routiers. Donc, la 40 a été la première axe routier qui était bien couvert par le circuit électrique au début. Et puis, par la suite, ben, l'autoroute 20. Et dans le plan de déploiement prévu à plus long terme, ben, il avait été prévu qu'il y ait des bornes de recharge rapide là, à d'autres endroits. Au moment où on se parle, si on y va par la rive sud, là, évidemment, si on fait la Gaspésie, normalement, on va y aller par la rive sud, on est capable de passer, de se rendre par Québec, dépasser Québec vers le nord. Et là, je vous rappelle qu'il y a déjà des bornes de recharge rapide installées. Il y en a une à la Pocatière. Qui est installé, mon Dieu, c'est l'été passé, si je ne me trompe pas. Il y en a un autre qui est installé à Mont-Joli. Là, évidemment, les distances entre les bornes de recharge rapide sont quand même assez, assez grandes. Là, donc, je ne pense pas qu'un tourisme d'hiver avec les capacités actuelles des batteries. Mais là, quand on va faire le tour de la péninsule, tout d'un coup, les bornes de recharge rapide vont être super proches, à maximum 100 km les unes des autres. Mais tu as raison dans le sens où, à partir de Québec, par exemple, de Lévis, là, par la rive, si on y va par la rive sud du fleuve, ben c'est la Pocatière, puis après ça, c'est Mont-Joli. Mais il y a quand même des plans d'expansion. Il y a d'autres bornes en marge de ce projet-là qui pourraient venir aussi boucher des trous là, dans le chemin, comme on dit. OK, mais ça va quand même devenir plus facile avec la venue prochaine des voitures à plus que 250-300 km. Ah, oh, bien entendu. On s'entend avec théoriquement avec une Tesla 3 ou avec une Chevrolet Bolt, on est capable de faire Montréal-Québec sans recharger. Là. Ah ben oui, c'est certain. Ça va donc ça veut dire que tu ne seras pas nécessairement obligé d'arrêter à toutes les bornes. Puis c'est ça le principe aussi. Là. C'est ça. C'est pas parce qu'elle est là. Rapidement, les bornes vont être situées à Matane, Sainte-Anne-des-Monts, Saint-Maxime-du-Mont-Louis, Grande-Vallée, Gaspé, Percé, Chandler, Passepébiac, New Richmond, Pointe-à-la-Croix et Amqui. Ah, c'est... J'en profite pour clore le sujet pour vous dire que le circuit électrique, en passant, fêtait ses 3 ans cette semaine. En gros, le circuit électrique, c'est 615 bornes, dont 30 rapides. C'est les 16 des 17 régions administratives du Québec qui sont couvertes par le circuit et déjà plus de 5000 clients. Ouais. C'est quand même impressionnant. Ouais, il faut que j'avoue, pour avoir dealé avec le circuit électrique à certaines occasions, puis leur service à la clientèle qui est fait par le CAA Québec, là. Je ne sais pas si c'est encore ça, mais c'était ça dans le temps. J'avais besoin d'une carte super rapide parce que j'avais une Volt en test, puis j'avais pas de carte de recharge, puis je voulais faire des tests, puis tout ça, puis j'avais parlé à quelqu'un du CAA Québec pour le circuit électrique, puis il m'avait envoyé une carte par Roche, par la poste, puis je l'ai eu comme deux jours après. Puis ça me l'apprenait pour la fin de semaine. La personne avait été super fine. Le monsieur avait été super gentil. Il m'avait envoyé la carte rapidement parce que, ah, OK, c'est pour un article, puis tout ça. Puis, ah, je vais vous envoyer une carte, tu sais. Puis j'étais nobody. Ben, je dis pas que je suis quelqu'un aujourd'hui, mais j'étais encore plus nobody dans le temps, là. Mais il avait été super fin avec moi, là. Fait que le circuit électrique, le service à la clientèle aussi semble très bon, là. Oui, effectivement, c'est les feedbacks qu'on a du circuit électrique, c'est excellent au niveau du service à la clientèle. Ouais, fait que c'est une belle organisation, c'est bien fait, là. En plus. Oui, monsieur. Dans un autre ordre d'idée, on a annoncé tout dernièrement la venue du tout premier salon du véhicule électrique de Montréal. Oui. Donc, c'est un salon qui va être entièrement à 100% consacré aux véhicules électriques. Ça va avoir lieu du 28 au 30 octobre à la place Bonaventure. Les informations commencent à sortir, là, évidemment. C'est un nouvel événement, puis c'est tout nouveau. Donc, mais c'est pris en main de façon professionnelle là, par des organisateurs chevronnés là, qui sont habitués à organiser des gros salons. Donc, c'est pas une gogosse amateur, comme on dit. Là. Ça va être très excellent. Ils vont avoir un gros plan de communication. On s'est associé avec eux pour commencer à faire la promotion de l'événement. Il va y avoir des autobus, évidemment des véhicules, là, des autos ordinaires, des autobus, des motos, des scooters, des bateaux. Je pense que ça va être quelque chose d'intéressant. Donc, les gens qui veulent avoir plus de détails et même acheter leurs billets en pré-vente, là, vous pouvez vous rendre évidemment sur le site web du Salon du véhicule électrique de Montréal. Là. Dans Google, vous allez trouver ça. Ou simplement via notre site web aveq.ca. Oui, on va en reparler aussi plus proche de l'événement, là, puis on va essayer de s'arranger pour le couvrir aussi un peu. C'est une première à Montréal, ça devrait être intéressant. Oui, monsieur. Finalement, peut-être un dernier petit sujet, les caractéristiques de la Hyundai Ioniq qui sont sorties. Oui, il y a une couple d'informations qui est sortie. Là, c'est, je pense que j'ai eu le communiqué de presse hier. La Ioniq, c'est la nouvelle... La Prius de Hyundai, si on peut dire rapidement, là. Elle va être disponible en version hybride rechargeable et électrique. On parle que la version hybride rechargeable va avoir une autonomie d'environ, je pense, c'est 35 km que j'ai 37 km. Et puis, la version totalement électrique va avoir une autonomie de 170 km. Bon, c'est des estimés. J'ai hâte de voir ce que ça va être dans la vraie vie. Mais c'est quelque chose qui s'en vient dans les prochains mois. Là, ça va sortir tranquillement. On va avoir hybride. Après ça, on va avoir hybride rechargeable et on va avoir électrique. Puis ça va être la même chose. Là. On peut s'imaginer que le Kia Niro va avoir à peu près les mêmes autonomies, les mêmes choses. C'est la même motorisation. C'est la même voiture, mais avec un look différent. Donc, exactement. À peu près 170 km d'autonomie pour la version toute électrique. Pour les amateurs de statistiques là, ou de caractéristiques plus précises, la capacité de la batterie, c'est une batterie qui sera de 28 kWh. C'est mi-chemin entre la 24 kWh d'une Leaf 2015, par exemple, et la 30 kWh d'une Leaf 2016. Donc, d'où le 170 km, ça a de l'allure. Puis c'est une voiture de taille là, qui n'est pas démesurée. Donc, ça tient la route en termes de caractéristiques avec ce qu'on connaît des véhicules existants comparables. C'est ça. C'est plausible. Est-ce que Hyundai est conservateur puis ça va être plus 180? On verra quand elle va sortir puis quand je vais pouvoir avoir mis la main dessus. Ouais, puis la journée où tu vas mettre la main dessus, ben j'imagine que tu vas m'inviter à luncher pour qu'on essaye ça ensemble. On regardera ça. Hey, écoute, avant de te quitter rapidement, l'Association des véhicules électriques du Québec va tenir son Assemblée générale annuelle le 23 avril. S'il y en a que ça les intéresse, de venir faire un tour, voir tout ce que l'association fait pour les véhicules électriques dans la dernière année, nos nouveaux projets, et puis sur quoi on planche. Et puis en plus, les gens qui sont sur place, qui sont intéressés de s'impliquer, bien évidemment, plus on est de fous, plus on rit. C'est bon. Fait que s'ils veulent l'information avec .ca. Oui, monsieur, ou en tout simplement m'écrivant à martin@aveq.ca. Super, Martin. Merci encore une autre fois, Martin. Merci beaucoup. À la prochaine. Alors, nous sommes de retour et on va terminer avec notre dernier bloc. Marc, c'est le Salon de New York. Salon que tu étais supposé aller, mais finalement, à cause de Californie et tout ça, t'as décidé que c'était peut-être un petit peu trop serré. Ouais. Il y a eu quand même des belles annonces. Moi, mon coup de cœur, ça a été la nouvelle Mazda MX-5 RF. Mais à part de ça, puis on va en parler aussi, là, qu'est-ce qu'il y a au Salon New York qui t'a intéressé cette année? Ben, tu l'as dit, la première, c'est la MX-5 RF. Je pense que tout le monde est resté vraiment sur le dos. C'est un véhicule qui est absolument magnifique, avec un toit rigide. Et ce qui est intéressant, c'est que on a, contrairement à ce qu'on avait fait avec les anciennes générations de toits rigides de la MX-5, on a vraiment refait complètement le dessin de ce véhicule-là pour être capable d'intégrer le toit. C'est vraiment de toute beauté, là. Ouais. C'est spectaculaire. Il y a eu pas mal d'autres nouveautés, cependant, au Salon de New York. C'est un salon qui est très populaire parce que ce qui est intéressant, c'est que comme c'est le dernier salon de la saison, c'est le salon qui nous présente le moins de prototypes flyés. Là, tu sais, il n'y a pas de véhicule avec des ailes. Non, non, non. C'est vraiment des véhicules qui sont soit vraiment des véhicules de production, des véhicules qui sont à deux doigts d'être en production. Ouais, c'est très, très consommateur. Là. C'est... Exactement. C'est... Alors, tu sais, tu as par exemple Acura qui a présenté son nouveau MDX. Bon, évidemment, MDX redessiné, mais surtout MDX avec la motorisation sport hybride à l'image de la RLX et de la TLX qu'on n'avait pas auparavant dans le grand utilitaire sport. Bien sûr, tu as des versions un peu plus luxueuses. Je pense à Audi, par exemple, qui, après avoir présenté la Audi R8 remaniée pour 2017, arrive maintenant avec une Spider de la même gamme. Écoute, c'est sûr que ça, c'est une de mes voitures coup de cœur ever. Donc, je suis bien mal placé pour te dire que, que je ne l'aime pas. Je la trouve tellement magnifique, cette auto-là. Chaque année, quand j'essaye de mettre la main dessus, juste parce que je sais qu'elle ne change pas beaucoup, mais juste pour me faire plaisir. Camaro est arrivé avec un monstre de puissance, la ZL1, on en avait déjà parlé, mais là, c'est le dévoilement officiel, donc on avait vraiment hâte de voir ce véhicule-là, et il est là en vrai. Même chose pour Jaguar avec sa F-Type SVR, qui est vraiment une magnifique bête absolument incroyable. Nissan qui a présenté son Titan en fin de production à essence. On avait vu celui diesel. On arrive maintenant avec celui à essence. Il n'y a pas tant de changements que ça, évidemment, on s'en doutait. Mais à part la motorisation. À part la motorisation, physiquement, c'est un peu la même base. Mercedes a fait un beau coup avec la GLC coupée. Elle qui est là pour combattre, si tu veux, les BMW X4. Donc, on est vraiment dans le véhicule... le petit coupé sportif, un peu plus agressif, un peu plus méchant. C'est un beau travail, une belle job faite par Mercedes-Benz de ce point de vue-là. Donc ça, c'est aussi intéressant. On parlait de Nissan, j'ai oublié de te mentionner celle qui a vraiment fait tourner les têtes à New York. C'est la Nissan GT-R. Oui. Qui a pas, ma foi, pas tant changé que ça. Non. Mais qui est quand même là, puis qui a quand même changé pas mal d'affaires. Ça reste une voiture mythique, la GT-R, mais ça reste, Nissan n'est pas prête à sortir une nouvelle génération encore. Non. Donc, on fait des petites modifications, on tweak un peu le moteur, essaie de donner un petit peu plus de puissance, la rendre plus agressive, mais à chaque année, ça reste une voiture mythique. C'est ça. Oh, et puis, tu sais, pour l'avoir conduit, je peux te dire que c'est un monstre de puissance aussi, là. Il faut savoir la maîtriser, là. Ouais. Et après ça, on tombe dans des autos qui, là, sont plus abordables et plus intéressantes parce que c'est des autos qu'on attendait. Je pense à la Subaru Impreza, par exemple. On Ouais. nous avait présenté les concepts à Québec, tu en avais parlé d'ailleurs, et à Montréal, en version 5 portes et berline. Et là, on a présenté la version de production. Ouais. Écoute, c'est sûr que sur les réseaux sociaux, il y a eu un vent de déception parce que les gens trouvaient les prototypes tellement beaux que, ils s'attendaient à quelque chose d'absolument spectaculaire et de complètement fou lors de la version de production. Et évidemment, ce n'est pas arrivé. Non, mais comme on l'avait prédit, puis comme tout le monde l'avait prédit aussi, Oui, puis puis ça. je t'avais dit à la dernière émission, je t'ai dit, moi je me prépare pour une déception. Tu m'as dit, bon, c'est ça, on est négatif en partant. Voilà. Oui, mais elle est quand même pas laide. Elle est très jolie, elle est très On va jolie. arrêter. Moi, c'est ça qui me dérange. C'est que, écoute, il n'y a personne qui fait des prototypes, qui fait des véhicules de production comme les prototypes, à part Honda. Ouais. Parce qu'Honda, ils te sortent un prototype 3 mois avant le véhicule de production. Ouais, c'est sûr que Fait que, ça tu arrive. sais, je veux dire, à un moment donné, là, alors quand on est. Un prototype, c'est par définition un élément qui sert à donner une tendance de design. Ouais. Après ça, le reste, bien évidemment, faut y aller aussi dans la fabrication. Tu sais, faut que ça soit possible de l'assembler, ce véhicule-là. Là. Si tu fais un véhicule avec des ailes, regarde, on en parlait à Elon Musk, là. Il les a voulu, ses ailes de mouette, mais ça Ça. l'a retardé 3 ans, tu sais. Ouais, ça a été Fait que, compliqué. à un moment donné, c'est pas si simple que ça. Alors, bref, la Subaru Impreza en version 5 portes et 4 portes a été présentée. Comme je te dis, vent de déception, mais je trouve que c'est un peu exagéré parce qu'elle n'est pas LED. Elle ne fera pas tourner les têtes, mais pas LED. Non, c'est ça. Hyundai qui a enfin présenté en salle nord-américain sa Ioniq, c'est-à-dire sa seule voiture qui pour le moment est disponible en version électrique, trois catégories, mais aucun moteur à essence, uniquement. Ouais, c'est ça. C'est Il n'y a aucune hybride. version. C'est ça. Il y a hybride, hybride branchable et 100% électrique, C'est ça. mais il y a aucune version à strictement essence. Honda nous a présenté sa fameuse Civic à hayon que tout le monde attendait, que tout le monde espérait, dont tout le monde espère le retour. Ça aussi, c'est intéressant. Et enfin, Toyota qui est arrivé avec la Toyota Prius Prime. Qu'est-ce que c'est la Prime? La Prime, c'est la version de la Prius branchable, tout simplement. Donc, on arrive avec un véhicule qui est maintenant bon pour 35 km en mode 100% électrique et qui est vraiment plus efficace à tous les points de vue, qui est basé sur la nouvelle Prius, donc un véhicule qui est bien réussi. On peut pas non plus passer sous silence la Genesis Hybrid, cette fameuse voiture-là qui est la nouvelle gamme, haut de gamme de Hyundai. Donc, on a présenté bon, un LET, un bleu pâle, Ouais, c'est pas la mais. couleur de l'année. Il y a des choses aussi dans le design que j'aime pas plus, que j'aime plus ou moins. La ligne générale est belle, mais je trouve que ça fait un peu Mercedes SLR là, par certains angles que tu regardes. Wow, c'est un peu particulier, Ouais. mais bon, écoute, au moins, ils ont le mérite de l'avoir fait. Et un dernier concept dont je veux te parler quand je te parlais d'affaires avec des ailes, c'est probablement le seul, c'est le Lincoln Navigator concept qu'on a présenté, qui est un gigantesque navigateur, un gigantesque utilitaire sport avec des ailes des portes en ailes de mouette. C'est vraiment assez particulier. Vraiment, Lincoln a frappé fort dans le design ou a fumé pas mal quand ils l'ont fait, mais ils ont bien réussi et honnêtement, ça a marqué l'imaginaire de pas mal tout le monde. Mais on Alors, s'entend que ça ne verra pas à production. non, ça ne verra pas en production, mais c'est un exercice de style, un exercice de design Ouais. qui vaut vraiment la peine d'être mentionné. Alors, tu vois, comme tu vois, New York, il y avait beaucoup de nouveautés. Il y en a d'autres, là, mais là, à un moment donné, on ne peut pas toutes les passer. Ça donne quand même une bonne idée du résultat. Bon, Buick qui est arrivé avec le encore remanié. Il y en a d'autres comme ça. Mais vraiment, je pense que ça, c'était les principales réussites du Salon de New York, qui s'ouvre d'ailleurs, qui s'est ouvert aux gens ben, aujourd'hui, samedi. Donc, c'est là que le salon va s'ouvrir au public, qui est le plus populaire en Amérique, avec plus d'1 million de visiteurs en 10 jours. Ouais, c'est un gros salon. C'est un salon qui vaut quand même la peine d'être vu. Oui. Que je n'ai jamais visité, mais on dit jamais, peut-être la Ouais, prochaine puis fois. c'est juste 5 heures et demie de route, hein. C'est parce que tu veux pas, là. Ouais, ben c'est ça. On verra l'année prochaine. Je suis allé à Toronto cette année, il ne faut quand même pas exagérer non plus. On verra ouais, peut-être. L'année prochaine, je laisserai peut-être faire Toronto, j'irai peut-être à New York. Ouais, j'avais réussi à te convaincre pour Toronto. Rapidement, on va passer dans une autre nouvelle parce que c'est vraiment des bonnes nouvelles pour Mazda qui remporte des prix à n'en plus savoir quoi faire. La Mazda MX-5 a remporté le titre de voiture mondiale de l'année. Quand même, c'est pas rien. Ça a été remis justement en marge du Salon de New York. Mm-hmm. La même MX-5 a aussi remporté le titre du plus beau design mondial de l'année. Et c'est drôle parce qu'elle était à ce moment-là en compétition contre la Jaguar XE et le Mazda CX-3. Mais c'était un peu comme à Toronto, hein, voiture de l'année, t'avais la Civic puis t'avais deux Volkswagen, puis c'est la Civic qui a gagné. Oui, mais là, au moins, c'est Mazda, là, c'est moins ouais. un peu. Ouais. Et alors, mais les bonnes nouvelles se sont aussi succédées pour Mazda parce que le CX-3, notamment, a remporté le titre de voiture d'utilitaire vert de l'année, remis cette fois-là au Salon de l'Auto de Vancouver par l'Association des journalistes automobiles du Canada, dont vous faites maintenant partie, M. Desormeaux. Oui, M. Bouchard. Et ce qui est intéressant, c'est que pour Mazda, bon, la CX-3, c'est une belle récompense, je dirais. Et la voiture verte de l'année, c'est quand même, on avait bien choisi, c'est la Volt, la Chevrolet Volt, qui le mérite bien, je pense, compte tenu des trouvailles technologiques qu'on a faites dans cette voiture-là cette année. C'est une nette progression. Fait que c'est quand même intéressant. Il faut savoir que le CX-3 a battu le Hyundai Tucson à hydrogène et le Honda HR-V dans sa catégorie, alors que la Volt, elle, a devancé des voitures comme la Honda Civic Berlin et la Hyundai Sonata hybride. Bon, quand même, une forte compétition. Alors, très heureux pour Mazda. Les gens de Mazda doivent célébrer aujourd'hui. Ça a été une excellente semaine pour eux, mon cher. Une excellente année aussi. Oui, une excellente année, mais je t'avoue que cette semaine a dû être particulièrement joyeuse pour eux autres. Ben, quand t'es déjà en train de crier « Youpi », puis finalement, ils te rajoutent un autre prix par-dessus. Ouais, c'est ça, exactement. Il doit y avoir quelques personnes chez Mazda qui n'ont plus de voix. Non, effectivement. Rania, non, elle ne ferait jamais ça. Non, je ne sais pas. Donc, M. Bouchard, on va terminer là-dessus cette semaine. Si les gens veulent vous lire, vous contacter, comment font-ils cela? Ben écoute, ils peuvent le voir sur Facebook ou via tout ce qui est NetMedia 360, donc ecoloauto.com, luxurycarmagazine.com, autoféminin.com, vous allez retrouver mon essai de la Pacifica notamment, et vusmag.com. Donc ça, c'est essentiellement les points où ils peuvent me trouver. Sinon, par l'adresse courriel que vous allez gentiment leur donner, Monsieur Desormeaux. Oui, vous pouvez nous écrire à info@saroulradio.com. Pour moi, si vous voulez me rejoindre, ben sur Twitter, c'est Escalazormo. Je gère aussi le compte de Ça Roule Radio sur Twitter, qui est Ça Roule Radio. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. On va juste chercher Ça Roule Radio. Et puis, vous pouvez nous écouter dans différentes radios, sur Radio Highway, sur Radio H2O, et nous trouver aussi sur iTunes. Si jamais vous avez de la misère à nous trouver quelque part, juste à m'écrire sur Twitter ou m'envoyer un courriel. Je vais vous envoyer le lien. Ça va me faire plaisir. Et puis, vous pouvez aussi me lire sur le blog automobile de Kijiji au frkijijiblog.ca où j'y dépose un nouvel article aux deux semaines. Là. Donc, c'est à peu près ça pour les manières de nous lire, nous retrouver et tout ça. Donc là-dessus, Marc, je te remercie d'avoir encore passé cette belle heure en ma compagnie. Ben écoute, ça me fait plaisir. On rappelle que d'ici quelques jours, et on va aviser nos gens, là, saroule.tv va aussi ouvrir, donc ce sera plus facile de réunir tout ça en un seul endroit. C'est ça, on vous en reparlera probablement dans l'émission de la semaine prochaine. Donc, je vous remercie encore une fois de nous avoir écoutés, puis je vous dis à la semaine prochaine, tout le monde. Bye. Bye bye.